Comment faire pour être une Madame Marneff ? Se dit-elle en l'entendant sonner. Elle comprima ses larmes, la fièvre anima ses traits, elle se promit d'être bien courtisane, la pauvre et noble créature. « Que diable me veut cette brave baronne Hulot ?» se disait Crevel en montant le grand escalier. « Ah bah, elle va me parler de sa querelle avec Célestine et Victorin, mais je ne plierai pas. » En entrant dans le salon où il suivait Louise, il se dit en regardant la nudité du local, style Crevel, « Pauvre femme, la voilà comme ces beaux tableaux mis au grenier par un homme qui ne se connaît pas en peinture. » Crevel, qui voyait le comte Popinot, ministre du commerce, achetant des tableaux et des statues, voulait se rendre célèbre parmi les mécènes parisiens dont l'amour pour les arts consiste à chercher des pièces de 20 francs pour des pièces de 100 sous. Adeline sourit gracieusement à Crevel en lui montrant une chaise devant elle. « Me voici, belle dame, à vos ordres, » dit Crevel.